Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Gérard Marin, assisté de Michel, diffusé en direct mercredi 10 février 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 11 février dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis, à la demande, sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Merci, cher Michel, de bien vouloir m'assister. Je dis également un grand merci à notre ami Franck à la technique et aux dames qui, au secrétariat, vont prendre les messages que j'espère nombreux, et même très nombreux. Amis auditeurs de Radio Courtoisie, vous le savez, je suis très, très heureux de vous retrouver toutes les 4 semaines à l'écoute de ce libre journal de la Résistance française. J'espère que vous ne serez pas déçus. Voilà, avant toute chose, chers auditeurs, je tiens à vous dire quelle belle fête de la France française a été hier soir, mardi, la remise par le père Argouarche du prix Renaissance 2016 à notre grand ami Roger Olyndre. À toutes celles et à tous ceux qui ont pu y assister, elle a apporté beaucoup de joie, d'émotion et de réconfort. Pour ne pas amputer le témoignage tout à fait exceptionnel que je vais vous offrir dans quelques instants, j'évoquerai cette soirée patriotique à la fois grandiose et familiale en seconde partie de ce libre journal. Avant de donner la parole aux docteurs Willem et Zalka, spécialistes des huiles essentielles, sur le thème, qui est d'actualité, comment résister aux virus de l'hiver et à leurs méfaits. Pour l'heure, à mes auditeurs de Radio Courtoisie, nous allons parler de virus certainement plus redoutables, les virus islamiques, qui s'attaquent au monde du travail jusque dans des entreprises au contact avec le public. Ce qui pose évidemment question, une grave question, la question sécuritaire. Le témoignage que je vous ai annoncé est celui d'une ancienne conductrice de bus de la RATP en banlieue parisienne, Ghislaine Duménil, que j'ai le plaisir d'avoir en face de moi, ainsi que Christine Tazin, qui a eu la gentillesse de l'accompagner, qui va nous conter par petites touches très concrètes l'enfer que lui a fait vivre l'intrusion, puis l'installation de l'islam, pas du tout de l'islam de France, dans son dépôt. Histoire amère, douloureuse d'une femme française, mère de 5 enfants, soudain confrontée au communautarisme musulman, à la loi islamique, et s'insurgeant. Merci d'être là, Ghislaine. Merci. À vous. Merci surtout d'avoir osé écrire ce livre, Mahomet au volant, la charia au tournant, qui dit les vérités qui fâchent, et je l'espère, ouvrira les yeux de tous ceux qui ne veulent toujours pas voir. Je salue aussi Christine Tazin. Bonsoir Gérard. Présidente de Résistance républicaine, qui a eu donc, je l'ai dit, la gentillesse de venir avec vous et qui vous a soutenu dans votre combat, vous a aidé à refuser la soumission et a écrit une très belle et très percutante préface à votre livre « Choc » édité par Riposte Laïque. Je vais vous dire mon sentiment à toutes les deux. Il faudrait beaucoup de Ghislaine, beaucoup de Christine et beaucoup de Français. De Français mâles, lucides et couillus, n'ayons pas peur des mots, pour s'opposer à cette islamisation de la France qui, on l'a dit maintes fois, mais il faut le répéter sans arrêt, est mortifère pour notre patrie. Votre sentiment, chère Christine Tazin? Ben, je crois que nous sommes dans une guerre qui est commencée contre l'islam. Tu évoquais tout à l'heure l'islam de France. Nous prétendons qu'il ne peut pas y avoir d'islam de France puisque, comme tous les musulmans le répètent à satiété, il n'y a qu'un islam, parce qu'il n'y a qu'un Coran, parce qu'il n'y a qu'une vie de Mahomet et que personne n'a le droit de l'échanger. Je crois que ces évidences, il faut les asséner constamment, parce qu'il y a encore, je l'ai dit, trop de gens qui ne veulent pas les regarder en face. Non seulement les gens ne veulent pas les regarder en face, mais on nous interdit de les dire. Hein, nous avions proposé, je ne sais pas si je peux en parler quelques minutes, oui. Le week-end dernier, la France participait aux journées européennes qui s'appelaient « Sauvons notre pays, sauvons notre culture, sauvons notre futur ». Et comme 14 pays d'Europe, la France, et donc Pierre Casson et moi-même avions organisé cela, avaient proposé 5 manifestations dans 5 villes différentes. Elles ont eu lieu à Montpellier, elles ont eu lieu à Bordeaux, elles ont eu lieu à Rungis. Elles ont été interdites à Saint-Brieuc et elles ont été interdites à Calais. Et il y a même eu un énorme scandale à Calais avec un général, le général Picmal, qui a été arrêté. Ce qu'on n'a jamais vu, je crois, de toute l'histoire de France. C'est d'ailleurs à cause de ces manifestations interdites qu'il y a demain soir au Trocadéro à 20h. Une manifestation pour la défense des libertés publiques, pour le droit de manifester, et on remet en question l'utilisation de l'état d'urgence. Donc précisons bien le jour et la date, parce que là nous sommes en direct mercredi 10 février voilà. Au soir. Donc c'est pour demain soir, donc jeudi 11 février à 20h, au Trocadéro, tous les défenseurs des libertés publiques et tous ceux qui se posent des questions sur l'utilisation de l'état d'urgence contre les patriotes et non pas contre les terroristes. Alors espérons que notre drôle de démocratie, hein, qui parle de beaucoup de libre expression mais qui la refuse, ne va pas s'opposer à cette manifestation. Écoutez, nous espérons, alors c'est le ciel, hein, dirigé par Gary Mouchik, qui a déposé la manifestation et qui va l'organiser. Voilà. Donc nous espérons qu'il y aura du monde parce que nous voyons depuis quelques mois, malgré l'état d'urgence, qu'il y a énormément de manifestations partout. Tous les jours, même des manifestations de gens illégaux qui sont donc des délinquants que sont les migrants. Celles-ci sont autorisées et celles contre l'immigration sauvage que nous subissons, contre l'islamisation, sont interdites. Et là, il y a quelque chose de gravissime qui se passe dans notre pays. Oui, mais d'ailleurs, comme l'a dit, je crois, hier ou avant-hier, le président Poutine, à force de courber la tête et de laisser entrer sans réagir, je parle en tout cas pour les pays de l'Ouest, parce que ceux de l'Est se défendent avec ardeur. Comme l'a dit Poutine, tout ça va finir très mal. Hein. Si l'Europe ne se réveille pas, on va être... Le racisme n'a rien à voir là-dedans. Hein. Ça n'a rien à voir là-dedans. Mais enfin, on ne peut pas, un continent ne peut pas accepter de disparaître sous un afflux aussi massif d'immigrés illégaux. C'est pas possible. Pour aller dans ton sens, à Rungis, nous avons accueilli 12 intervenants dimanche qui ont fait des exposés remarquables que les auditeurs peuvent trouver sur les sites de Riposte Laïque et Résistance Républicaine. Et il y en a une notamment, c'est une Calaisienne qui s'appelle Simone, qui a arraché des larmes aux yeux de toute l'assistance. Il y avait 600 personnes dans la salle qui pleuraient en l'écoutant, qui se sont levées à la fin pour vraiment l'applaudir et qui nous a raconté son calvaire, le calvaire de tous les Calaisiens au jour le jour avec les migrants. Ah, c'est épouvantable. Et l'idée, ça n'est pas de dire nous pleurons sur elle, c'est de se dire ce qui lui arrive, c'est ce qui va nous arriver demain. Absolument. partout en France, partout en Europe. Les migrants veulent nos maisons, on dit des Calaisiens. Ah mais elle raconte que les migrants entrent dans les maisons au moment du repas pour se servir alors que les gens sont dans leur maison. Ils arrivent au centre-ville avec des barres de fer et ils cassent. Et il y a une insécurité phénoménale. Ils ne peuvent plus avoir accès au bord de la mer, ils ne peuvent plus avoir accès aux endroits habituels. Alors en fait, réfugiés, ce sont des prédateurs comme ceux qui ont multiplié les agressions sexuelles dans plusieurs villes allemandes. Oui, voilà. nous avions d'ailleurs dimanche un économiste, Gérard Pince, qui a fait un excellent exposé que j'invite les auditeurs à aller écouter. Je l'ai reçu plusieurs fois, Gérard Pince. Il est excellent, sur les chiffres de l'immigration. Et nous avions Richard Haddad de Chrétien Solidarité, pareil, qui nous ont donné des chiffres en disant que les réfugiés qui arrivent maintenant, ce sont des réfugiés qui étaient en Turquie et qui étaient venus avant la naissance de l'État islamique en 2011. Mmh. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'État islamique, comme on veut bien nous le faire croire. Oui. Alors, Christine Tazin, vous venez de parler donc du calvaire enduré par les Calaisiens et par dans d'autres personnes dans différents pays, hein, au contact avec ces prétendus réfugiés. Il est temps de parler de l'enfer qu'a vécu Ghislaine Dumédil, donc cette ancienne machiniste de la RATP. Alors, chère Ghislaine, dans ce livre vrai, car votre livre c'est un livre vérité, un livre choc, mais un livre sincère, truffé de faits assez incroyables, il faut le lire pour le croire, des faits vécus au quotidien et bourré de révélations qui donnent sérieusement à réfléchir. Vous nous racontez avec force détail les humiliations, les menaces, les souffrances que vous avez endurées et les combats que vous avez menés du jour où la RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, a été gangrenée par la prétendue RATP, la religion d'amour, de tolérance et de paix. Donc, vous entrez comme conductrice à la régie en 1999. C'est ça. Ça n'est pas facile, parce que conduire un bus de 18 mètres, articulé de 18 mètres de long, bon, d'accord, hein, il faut être une bonne conductrice. Ça n'est pas facile, mais ça roule. Et puis, à partir des années 2000, les choses commencent à changer. Le personnel, y compris vos collègues, l'atmosphère au travail, que s'est-il passé ? Eh bien, très rapidement, en fait, puisque je suis arrivée en 99, très rapidement, le recrutement par discrimination positive s'est mis en place. Et très rapidement, donc, les chauffeurs, les anciens chauffeurs de bus qu'on a tous connus jusque dans les années 80-90 ont été remplacés donc, par des jeunes de banlieue d'origine maghrébine et majoritairement musulmans. Donc ça a été très rapide et les effets sont apparus aussi très rapidement. C'est-à-dire qu'au milieu des années 2000, déjà, on observait donc des hommes qui refusaient de serrer la main aux femmes, des prières clandestines dans tous les endroits possibles et inimaginables, les locaux, les bus, les métros, les RER, etc. Et donc très rapidement, tout ça a dégénéré. Enfin, disons que l'islam, c'est imposé et c'est banalisé dans le quotidien, partout. On va en parler en détail. Le prétexte invoqué par la RATP, j'ai bien lu votre livre, c'est de dire qu'il faut que les chauffeurs des bus ressemblent aux personnes qu'ils transportent, donc à la population des banlieues. Donc ils ont justifié cette embauche massive de jeunes musulmans par ce fait. Il faut absolument que... Voilà, bon, pas de problème. Mais avec cette arrivée donc nombreuse de jeunes musulmans, petit à petit, la discrimination dite positive dont vous venez de parler, elle s'est transformée en discrimination franchement négative à l'encontre des femmes. Ah oui. En tout cas, des femmes européennes. Alors comment s'est-elle manifestée Il y a un mot que qu'aime beaucoup employer nos adversaires. Stigmatisation. Voilà. Voilà. C'est ça. Alors stigmatiser. Stigmatisation. De manière tout à fait. accepté. Enfin, ça a été accepté par l'ensemble des personnes, qu'elles fassent partie de la direction, des directions syndicales, même y compris des machinistes, ça a été accepté. Bon, les femmes, si vous voulez, l'ont mal vécu, mais ça a été très très banalisé. Tout ça, c'était pas si grave, et donc on nous stigmatisait sans arrêt. C'est-à-dire, on ne vous serre pas la main. On ne nous serrait pas la main. Et c'était quelque chose... On évite de vous regarder, même. Au départ, ils faisaient juste... Simplement, au départ, ils refusaient de nous serrer la main. Ils étaient très peu nombreux à ce moment-là, donc ils le faisaient même avec le sourire, en nous expliquant que leur religion leur interdisait de nous serrer la main, mais que, bon, avec le sourire, ça passait. Et même si ça nous choquait, bon, ben, on l'acceptait, tant bien que mal, mais on l'acceptait. Et puis, petit à petit, ils étaient de plus en plus nombreux, et les sourires ont disparu, et à la finale, ils ont cessé de nous regarder et de nous parler. Et puis, d'autres problèmes se sont apparus, comme des femmes médecins de la RATP qui ne pouvaient pas ausculter ces hommes barbus parce qu'ils le refusaient, tout simplement. Des hommes qui refusaient de prendre le volant après une femme parce qu'elle avait touché le siège, le volant. Ça, c'est extraordinaire, quand même. Parce que selon le Coran, la femme est un être inférieur, voire incomplet et impur. Et impur, oui. Alors donc, vous avez touché le volant d'un bus, voilà. Pour conduire, et votre collègue masculin musulman a dit « Non, je ne vais pas conduire cet autobus parce qu'il a été touché par une femme. Ouais. » Mais dans quel siècle vivons-nous ? Eh bien, on est reparti 1400 ans en arrière. On est reparti au Moyen-Âge. On n'a pas su tout à fait ce qui se passait. On a appris ça... plusieurs années après, on a appris que ça arrivait. Moi, je ne l'ai pas personnellement vécu, ou en tout cas, on me l'a pas dit, parce que c'est fort possible, mais disons qu'on ne nous dit pas tout, hein. Mais on a appris ça, on est tombé de très haut, on s'est dit, mais là, ça devient dramatique pour nous, parce qu'en même temps, on voyait bien qu'ils devenaient de plus en plus hostiles, qu'ils refusaient de travailler avec nous. En fait, c'était ça. Ils refusaient de travailler avec nous. Ça. Ils avaient une aversion pour nous et ils nous le montraient. Et puis aussi, personne ne disait rien. Alors, au fil des ans, on le constate en lisant votre livre, la pression, l'emprise musulmane ne cesse de croître. Et vous, ce qui est normal, vous supportez de plus en plus mal le changement d'ambiance, la convivialité entre collègues qui se trouvent brisés, justement, par le particularisme. Hein, vous le notez, le particularisme agressif des barbus, leurs ailes à répandre ce qui va devenir finalement la charia, la loi islamique. Alors, j'ai noté dans votre livre, vous notez que petit à petit, les salles de repos réservées aux machinistes, aux conducteurs et conductrices, deviennent des salles de prière, que les salam alaikum, les saluts en arabe, sont provoquants, de plus en plus provoquants, lancés à la cantonade. Hein, on préfère parler arabe que français. Yes. Vous êtes frappé par les regards hostiles vis-à-vis de la coquetterie féminine et vous décidez plus ou moins de renoncer au maquillage, aux bijoux, aux parfums, etc. Et même, vous vous coupez les cheveux. C'est quand même incroyable, je veux dire, dans un pays dit de liberté, au XXIe siècle, d'en être réduit là. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, je sais que tout ça vient de la charia, mais à l'époque, je pensais que c'était une lubie... et qu'il fallait les aider à nous accepter, en quelque sorte. C'est terrible à dire, mais c'est vraiment ce que je pensais. Je pensais que peut-être notre manière de nous habiller, notre manière d'être, facilitait pas leur intégration. Je me suis complètement... Ouais. J'ai fait une énorme erreur, évidemment. Oui, mais c'est récurrent quand vous entendez... Mais c'est ça, c'est le message, si vous voulez. Non, mais on a un message depuis 40 ans... qui nous incite à les aider à s'intégrer, à adopter certaines postures, etc. Et il ne faut pas les brusquer, il ne faut pas les stigmatiser. Non. Donc on fait tout pour être apprécié, pour ne pas justement brusquer, et on se plante complètement parce qu'en fait ça n'a rien à voir. On peut toujours essayer de s'adapter à eux. Vous êtes une femme, point barre, et voilà. Ça changera rien. Et c'est vrai que au départ j'ai coupé les cheveux assez courts, et puis petit à petit j'ai fini par les faire tondre par une coiffeuse quand même, mais ils étaient tondus, mes cheveux étaient tondus, et j'avais très très peu de cheveux, mais je parce que je voulais pas qu'ils me voient comme une femme, je voulais qu'ils me voient comme une collègue. Oui, oui. Chauffeur de bus, point. Mmh. Bah, c'est tout. Et j'ai fait une énorme erreur, et bon, Parce que c'est quand même un comble d'en être réduite à n'être plus ce que l'on est. J'ai renoncé à beaucoup, beaucoup de choses. Le même phénomène récemment, justement, en Allemagne, et on a entendu ces propos hallucinants de la mère, la mairesse, disons. Le maire. Alors, oui, le féminin, oui. Le maire de Cologne. Une femme qui a dit, mais finalement, elle a sous-entendu, c'est la faute des femmes allemandes. Quoi, parce qu'elles s'habillent un peu légèrement, qu'elles sont parfumées, mais enfin, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent, nos envahisseurs, que les femmes se mettent en burqa, c'est ça, au fond. Que nous respections la charia, tout simplement. Voilà. Quand le maire de Cologne dit aux femmes, tenez-vous à un bras des migrants pour éviter d'être agressés, c'est monstrueux. Quand elle leur dit, habillez-vous correctement pour ne pas les provoquer, mais c'est monstrueux. Surtout quand on sait que correctement, ça veut dire vêtu des pieds à la tête, d'immonde sac poubelle, ça n'est pas... Non, mais enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Hein, on voit des fantômes noirs surgir. Moi, je suis tombé à la renverse l'autre jour, dans mon immeuble, dans le 15e arrondissement de Paris, la porte de l'ascenseur s'ouvre, hein, et je trouve face à moi un grand fantôme noir. Mais vraiment, en burqa, ouais. Des pieds à la tête, quoi. Moi, j'ai traversé Saint-Denis ce week-end plusieurs fois, j'étais ahurie de voir le nombre de réfugiés, soi-disant réfugiés, c'est-à-dire de délinquants qui sont là illégalement, qui sont là à faire la manche. Énormément de femmes couvertes des pieds à la tête, tout en noir, le voile avec des 2, 3, 4 enfants pour attirer la pitié, pour faire venir la pitié. Mais c'est monstrueux, mais comment peut-on accepter ça en France? C'est fou. Je voudrais rajouter quelque chose qui va... Oui, Ghislaine. J'ai écrit à Pascal Boitard, qui est donc la secrétaire d'État des droits de la femme, et qui a récemment, enfin l'été dernier, qui a lancé une campagne contre le sexisme dans les transports publics. Alors je lui ai écrit parce que, mais pas qu'à elle d'ailleurs, j'ai écrit à Cazeneuve, au ministre des Transports Vidali, et au ministre de la Santé, et donc à Pascal Boitard. Et donc je lui explique ce qui se passe à la RATP, la manière dont nous sommes traités, etc. Et elle me répond. C'est la seule qui m'a répondu d'ailleurs, il faut le souligner. Autrefois, on nous enseignait que toute lettre mérite réponse. Oui, non, c'est la seule qui me répond, mais elle me répond cette chose ahurissante. Elle me dit, vous savez, concernant les marques de salut, elles changent suivant les époques, suivant le moment, etc. Donc, on ne peut rien faire. Alors, donc, je me suis dit, en lisant cette phrase, je me suis dit, bon, bah alors donc l'époque veut qu'on soit islamisé, donc nous allons donc vivre à la musulmane, et, voilà. et donc on peut accepter que des femmes soient... C'est cette réponse qu'elle m'a faite, et c'est la ministre, enfin du moins la secrétaire d'État aux droits des femmes, qui me le dit, et qui me l'écrit noir sur blanc. Donc bon, j'ai pas ramené la phrase exacte, mais c'est ça qu'elle me répond à la question que je lui pose: qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais c'est insensé, quoi. C'est insensé. Le pays d'accueil qui doit se conformer aux traditions, aux mœurs, aux règles des gens que l'on a accueillis. Voilà. On revient à l'ancien moment où il fallait accepter l'excision sous prétexte que c'était la culture de ces gens-là et qu'il ne fallait pas les choquer. Là, on en est là, à nouveau. Hein. Eh bien, moi, j'ai une de mes filles qui est infirmière dans une banque à La Défense, eh bien, où il y a une mosquée, et chaque fois qu'elle, pour aller à son travail, elle passe le long de la mosquée, elle se fait agresser parce que elle est en robe ou en jupe, qu'elle n'a jamais voulu se mettre en pantalon. Et comme c'est une fille coquette et elle a raison de l'être, elle a dit, il n'y a aucune raison que je renonce à ma féminité. Hein, c'est quand même inouï. Voilà où on en est. Et une Pascal Boitard vous dira que bah, finalement, suivant les époques, les femmes se sont habillées différemment et que bah, là, l'époque veut que les femmes se vêtissent plus. On n'est pas encore en terre d'islam. Mais il faut acheter la paix sociale. Voilà. Ça, c'est la grande formule. Merci, Christine Tazin. Et il ne faut pas stigmatiser. Oh, et très cher. Cher. Et on n'a pas fini de payer le prix et fort. On n'a pas fini. Alors, chère Ghislaine Duménil, il faut peut-être dire que nous sommes sur Radio Courtoisie, Michel, et qui nous recevons? Alors, vous écoutez le Libre Journal de la Résistance française sur Radio Courtoisie, bien sûr, dirigé aujourd'hui par Gérard Marin et nos invités, Christine Tazin, présidente de Résistance républicaine, et Ghislaine Duménil, conductrice d'autocar ex-machiniste à la RATP pour son ouvrage « Mahomet au volant, la charia au tournant » aux éditions Riposte Laïque. Voilà. Alors, chère Ghislaine Duménil, un beau jour, il y a une goutte d'eau, si j'ose dire, qui va faire déborder le vase. C'est l'usage que font les islamistes, alors ça m'a sidéré, des lavabos collectifs et des gobelets en plastique réservés à la boisson. Racontez-nous un petit peu cette histoire. C'est tout simple. Donc, ils font leur prière sur le lieu de travail. Donc, les bus et les sanitaires, etc. Ils peuvent la faire chez eux, ils peuvent la faire. Ils peuvent tout à fait la faire chez eux. Mais là, j'ai rien contre la prière. Et avant de faire leur prière, ils font leurs ablutions. Ils mettent de l'eau donc partout sur la tête, les avant-bras. Ils se lavent même les pieds parfois, une espèce de bidet réservé pour les femmes de ménage. Et donc, ils inondent les sanitaires. Et à chaque fois qu'ils vont aux toilettes, ils prennent les gobelets qui sont mis à disposition pour s'abreuver, pour boire, c'est désaltéré. Et alors, ils en font un usage de purification de leur sexe. Voilà, toujours pareil. Ah, c'est énorme. Pour donc se conformer au texte sacré. Et alors, ils laissent les gobelets éparpillés dans les toilettes, une fois qu'ils en ont fait usage, donc. Ou alors, ils bouchent les toilettes avec. Parce qu'en fait, ces gens réclament depuis de nombreuses années déjà donc des douchettes hygiéniques, qui parfois ont été autorisées, mais sont quand même souvent refusées. Et pour contester, donc, ils bouchent les toilettes avec leur gobelets qu'ils ont utilisés. Voilà. Voilà. C'est le progrès. Donc en fait, il y a l'histoire des gobelets, les prières, les marques de salut, l'utilisation de la langue arabe, les salam alikoum. Vous ne faites pas un pas dans cette entreprise sans être confronté à l'islam. Il y a bien sûr le port de la barbe, type salafiste. Il y a vraiment un ensemble de choses qui font que on considère. Enfin moi, en tout cas, je considère aujourd'hui que donc il n'y a plus de laïcité à la RATP et qui a été remplacée par l'islam tout simplement et la pratique de la charia, puisque... Quand vous êtes entré donc dans ce dépôt, il y avait quelques musulmans et très vite, ils ont été 300. Quoi. C'est ça. Ça a pris à peine une dizaine d'années pour faire 50% du dépôt musulman. Donc, c'est la mainmise de ce qui n'est pas qu'une religion. On l'a répété des dizaines et des centaines de fois, mais un totalitarisme et une idéologie politico-religieuse, c'est la mainmise donc d'une idéologie politico-religieuse dans une prétendue démocratie sur une entreprise publique. C'est quand même grave et on va voir très vite que les gens qui devraient mettre bon ordre à tout cela, vous avez déjà cité les noms des ministres que vous avez contactés, ne font strictement rien. Alors ce qui m'a interpellé, comme on dit aujourd'hui, dans votre livre, chère Ghislaine Duménil, c'est que vous dites à plusieurs reprises que les musulmans dits modérés, je mets des gros guillemets, sont bien souvent pires que les fondamentalistes dans leurs attitudes vis-à-vis de leurs collègues non musulmans. Comment expliquez-vous cela? Ils en rajoutent pour se faire bien voir par les barbus? Oui, peut-être. En fait, Il y a bien de ça. C'est-à-dire qu'ils ont été d'une violence inouïe lorsqu'on a dénoncé tout ça dans la vidéo qui avait été postée sur Riposte Laïque. Ils ont été d'une violence extraordinaire. Je m'attendais à une violence à la rigueur de la part des barbus, puisqu'en plus c'était eux qui étaient visés, donc... On s'attendait à une violence venant de leur part, mais on ne s'attendait pas venant des musulmans modérés, parce que souvent, ils nous disaient que ce n'était pas leur religion, que ce n'est pas ça l'islam. Oui, pas d'amalgame. Voilà, donc nous, on n'est pas comme ça, t'inquiète pas. Ils nous disaient aussi de ne pas nous en faire et surtout pas nous en occuper. C'est-à-dire que d'un côté, bon, quand même, ils nous disaient que ce n'était pas l'islam, mais enfin, ils nous disaient, laisse tomber, quoi. Voilà, grosso modo, ne t'en occupe pas. Et bon, c'est ce qu'on a fait jusqu'à un moment, mais il y a un moment où, voilà, où c'est plus possible. On voit bien que, si vous voulez, de plus en plus adoptaient les mêmes pratiques. Hein. Au départ, ils étaient 10 et puis ils sont vite retrouvés à 30. Donc, il y a un moment donné où il faut savoir dire stop, et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qui a mis hors d'eux les musulmans modérés et qui, tout d'un coup, nous ont dit il ne faut pas critiquer l'islam. Donc il fallait, c'est la question que je leur pose. Il faut savoir. Soit c'est pas l'islam. À ce moment-là, vous êtes avec nous et on se bat contre eux. C'est la question que je me suis posée au départ. Soit c'est l'islam, et auquel cas donc vous êtes tous les mêmes en fait. Hein, alors peut-être que tu pratiques pas toi, mais en quelque sorte tu soutiens ceux qui pratiquent. Donc ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Alors tout cela évidemment fait naître chez vous qui est une patriote, une Française attachée à notre identité, à notre culture, à nos traditions, à nos mœurs, à tout ce que vous avez toujours vécu comme nous. Vous êtes en colère, une colère rentrée, vous êtes lassée, écœurée, révoltée, et vous n'êtes pas la seule, par toutes les atteintes à la laïcité que vous constatez chaque jour au sein de la RATP, et par les comportements sexistes, voire raciste, des disciples de Mahomet à votre rencontre. Alors, vous vous décidez à porter plainte auprès de votre DRH, directeur ou directrice des relations humaines d'une part, et auprès des dirigeants de la CGT, votre syndicat, d'autre part. Alors, quelles seront, Ghislaine Duménil, les suites de ces légitimes protestations ? Bon, au début, je me suis dirigée vers la direction locale, donc le RH local de mon centre-bus. Hein. Et bon, lui m'a dit clairement qu'il ne ferait rien, que ce n'était pas si grave, et que si, de toute façon, si on s'interposait à ces pratiques, on allait réveiller les fachos. Bon, lui, c'était clair. Voilà. Il fallait bien des fachos dans le coup. Ouais. Il faut préserver la paix sociale. Oui, c'est ça. Et j'ai fait pareil donc avec la section syndicale de la CGT dans laquelle j'étais, puisque j'étais à la CGT, et il me fait exactement la même réponse. Tu vas réveiller les fachos, faut pas, voilà, la paix sociale, et puis voilà. Donc eux, j'ai laissé tomber tout de suite. Hein, je me suis adressée directement au président, directeur général Pierre Mongin, et à la direction générale de la CGT. Et bon, bah écoutez, le PDG, c'était plutôt son assistante qui me dit qu'elle est effarée par ce qu'on lui apprend, que c'est inadmissible et que donc il va y avoir des réactions. Bon, on les a jamais vues, leurs réactions, il s'est jamais rien passé. Et la CGT, pareil, on va intervenir et pareil. On va, quoi. Et il s'est jamais rien passé. Patienter, il faut maintenir la paix sociale, sauvegarder le vivre ensemble. J'oubliais, il y a ce fameux vivre ensemble. Il ne faut pas faire le jeu du Front National, évidemment, des fachos, etc., etc. Et puis un beau jour, Ghislaine, par hasard, disons par un heureux hasard, vous tombez sur le site de Riposte Laïque, sur Internet, et vous découvrez... Parce qu'il est très très bien fait ce site, chère Christine Tazin. Vous découvrez avec effarement toutes les réalités indéniables de l'islam que l'on cache à l'opinion. La vérité sur ce totalitarisme politico-religieux, je le répète, sectaire, conquérant, qui constitue une grave menace à la fois pour notre identité, la laïcité et la survie de notre civilisation. C'est alors, nous sommes, je crois, en 2012, oui. En décembre 2012, que s'impose à vous l'idée de faire connaître, avec l'aide de Riposte Laïque, la situation qui vous est faite à la RATP, les souffrances, les injustices, les humiliations que vous inflige la montée de l'islamisme. Une vingtaine des nombreuses collègues qui partagent votre ras-le-bol et vos indignations s'étant jointes à vous, vous prenez une décision courageuse, tournez et diffusez sur Internet une vidéo d'information. Alors là, c'est le tonnerre, c'est la catastrophe, c'est fou, quoi. Ce pavé dans la mare va vous coûter très cher, Ghislaine. Parlez-nous de ces retombées, de ce que vous avez subi. Parce que c'est quand même, vous y consacrez des pages et des pages, hein, on ne va pas raconter tout votre livre, il faut que les auditeurs de Radio Courtoisie se le procurent, l'achètent, le lisent et le fassent lire et le fassent connaître. Parce que c'est un livre, c'est pas des abstractions, c'est pas la vague menace de l'islam, ce sont des faits concrets, vécus au jour le jour, qui doivent, je l'ai dit au début de l'émission, ouvrir les yeux de ceux qui ne veulent pas voir. Voilà. Alors je rappelle qu'il est édité par Riposte Laïque et qu'il coûte la somme formidable de 18 euros. Alors, je vous écoute. Mais ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, il y a eu donc les violences de la moitié de mon dépôt quand même, hein, à peu près, hein, puisque la moitié étant musulman, la moitié de mon dépôt qui nous est tombée dessus. Et trois ou quatre nanas qui étaient présentes sur la vidéo qui m'accusent de les avoir manipulées parce que sous la pression, évidemment, elles n'ont pas résisté et très très vite elles m'ont accusée d'avoir organisé tout ça, de les avoir manipulées, etc. Histoire de se décharger un petit peu, de prendre de la distance avec moi, mais moi qui n'ai pas qui a continué, disons, à dénoncer, qui n'a pas laissé qui n'était pas prête à se laisser faire, j'ai un petit peu sur moi, j'ai un peu canalisé toutes les violences, quoi. C'était sur moi qu'on se retournait. Vous étiez la meneuse, oui. Vous étiez la fasciste, la raciste, enfin on connaît les accusations classiques. Ouais. Et donc j'ai supporté. J'ai eu des avec d'autres filles. Nous avons eu nos noms d'inscrits sur les murs, avec évidemment racistes ou fascistes à côté, sur les murs de la RATP, hein, avec des. Ça rappelle le mur des cons, ça, hein, Cécile Tazin. C'est fou. J'ai reçu des appels, des menaces. On a cherché à vous intimider. Voilà, c'est ça. On vous a même, à un moment, je crois, vous avez été victime d'une mise à pied. J'ai eu 5 jours, oui, bien plus tard, parce qu'ils cherchaient la faute et ils ont fini par la trouver. Alors, que vos supérieurs hiérarchiques, que des syndicats laïcs, ni des faits avérés, et notamment l'inégalité homme-femme que vous subissez effrontément, c'est déjà très dur à admettre. Ouais. Mais qu'ils ferment les yeux depuis des années sur les conséquences très fâcheuses, voire dangereuses, que peut avoir la période du Ramadan sur une entreprise de transport public, c'est proprement inadmissible. Et là, vous soulignez que, outre les absences nombreuses qui perturbent la bonne organisation du trafic, vous avez constaté, Ghislaine, les effets néfastes que peut avoir un jeûne prolongé, rappelons-le, ni manger ni boire pendant 12 heures, sur certains de vos collègues musulmans, surtout par forte chaleur. Alors, on va en reparler parce que je crois qu'il est temps de lire quelques-uns des nombreux messages qui nous parviennent. Alors, un auditeur de Radio Courtoisie, bravo d'avoir invité Christine Tazin et Ghislaine Duménil. Et je vous informe que Tariq Ramadan a fait une demande de naturalisation pour être français, ce qui est ignoble et scandaleux. Nos politiques sont co-alabos. Et parfait. Cet auditeur cite sa source. Ben, il faut le dire que Kuala Lumpur est une merveilleuse formule qui a été inventée par notre grand ami Serge de Beketch. Trop Alors, de disparus. Selon un auditeur, les invités ont dit qu'on était revenu au Moyen-Âge. C'est un contresens. Le Moyen-Âge n'était pas une époque de barbares. Les femmes étaient bien traitées. Exactement. Le Moyen-Âge musulman, attention. Oui, musulman. Hein, sixième siècle en Arabie Saoudite, c'est pas la même chose qu'en France. Je crois que Ghislaine Duménil a dit on est revenu 14 siècles en avenir, en arrière, c'est-à-dire à l'époque, en gros, de Mahomet. C'est ça. Hein, 600 et des poussières. Une auditrice de Radio Courtoisie, contente de retrouver M. Marin et ses émissions salutaires. Concernant Calais, pourquoi les victimes des clandestins ne prennent-elles pas des photos sur le vif de ces agressions et portent plainte avec l'aide d'une association qui aurait un avocat? Concernant la RATP, la charia est un mode d'action pour prendre du terrain et occuper le territoire. C'est donc un mode d'intimidation au départ, avant d'arriver à la terreur. Concernant cette jeune machiniste qui témoigne, le but est de la faire partir, alors résistance. Je répondrai pour Calais, si tu veux bien. Comment? Je répondrai pour Calais. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, mais bien sûr. Bon, on finit d'abord, à la fin. Un auditeur, avez-vous interrogé les associations féministes au sujet du comportement de ces chauffeurs de bus? Un auditeur, quelle était l'attitude des syndicats laïcars face aux chauffeurs islamistes? Une auditrice, ces chauffeurs de bus, il faut leur demander qui les a mis au monde? C'est bien une femme et non un homme. La RATP devrait les licencier tous pour leur comportement. Très bien, merci chère auditrice. Un auditeur, j'attendais avec impatience l'annonce des invités de M. Marin sur Radio Courtoisie lorsque j'ai entendu que les sénateurs avaient rejeté un amendement jugé sexiste dans une loi concernant les transports. Qu'en pensez-vous, mesdames? Un auditeur, pourriez-vous nous expliquer pourquoi et dans quel but philosophique et politique les gouvernants de la France organisent depuis 45 ans une immigration massive musulmane? Une auditrice... Je crois parce qu'ils sont vendus. Une auditrice, c'est l'islam en France et non l'islam de France. Exactement. Et un auditeur précisait qui était président et premier ministre au moment où Madame Duménil a écrit son livre... Et une auditrice à l'Institut catholique, depuis plusieurs années, on y forme des imams alors que les séminaires se vident. Eh oui, eh oui. Ben, je crois que Ghislaine Duménil a écrit son livre sous le règne de M. Hollande. Hein, oui, vous l'avez écrit l'année dernière. Mais les choses, effectivement, se sont aggravées bien avant Hollande, hein, parce que Sarkozy... Ah, ça a commencé, oui, dans les années 2000, et même encore avant. Enfin, on a fait le point plusieurs fois du nombre d'immigrés clandestins ou d'immigrés légaux, musulmans ou naturalisés qu'on a fait entrer en France. Eh bien, je crois que depuis la fin du septennat de Pompidou, ça n'a pas cessé, quoi. Alors, Christine Cazin. Juste un mot sur la question, pourquoi les Calaisiens ne portent-ils plainte, pas plainte, pourquoi n'y a-t-il pas d'association? Alors, il y a énormément de photos et de vidéos sur Facebook de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils voient. Ils enregistrent, ils font des émissions, on a énormément de choses comme ça. Et notre Calaisienne nous a raconté dimanche dernier que maintenant, les policiers refusent de prendre les plaintes, tout simplement. Ah! Il y en a tellement que maintenant, il y a un refus systématiquement. Et moi, je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, dans une autre ville aussi. C'est-à-dire que tout ce qui est lié aux agressions des migrants, on ne prend plus les plaintes. Et elle avait rajouté que les policiers répondent aux plaignants. Comment voulez-vous qu'on les reconnaisse? Ils se ressemblent tous. Donc, lorsqu'il y a une agression... la police leur dit on sait pas qui c'est, on peut pas les arrêter. Donc voilà où on en est. Triste. Alors Michel, nous rappelons que nous recevons Ghislaine Duménil pour son ouvrage Mahomet au volant, la charia au tournant, aux éditions Riposte Laïque, et Christine Tazin, présidente de résistance républicaine. Oui, c'est vraiment, comme l'indique d'ailleurs le sous-titre du livre, un témoignage choc d'une conductrice de bus de la RATP. C'est inouï. Alors nous en étions, chère Ghislaine Duménil, à la période du Ramadan. Ça n'arrange pas les choses, le Ramadan. Non, ça n'arrange pas les choses. Ça dure un mois. Depuis 2007, je crois, c'est en période d'été. Donc, période où il fait très chaud dans les bus, il fait vraiment très très chaud. On est comme dans un aquarium en fait. La réverbération du soleil et puis cette chaleur. Vraiment, on peut arriver à 40 degrés facile. Et donc, vous avez vous trouvez avec des collègues qui ne boivent pas de la journée, qui ne mangent pas, qui sont fatigués de la nuit qu'ils ont passée à faire la fête et à manger, justement. Et on leur donne dans les mains des bus qui vont de 15 à 30 tonnes. Et c'est incompréhensible qu'on laisse faire ce type de choses, parce que la RATP est quand même une entreprise qui est très, très ferme sur la sécurité routière, enfin dit-elle. Et elle a fait ce qu'il fallait pour mettre un terme à l'alcool dans l'entreprise. C'est-à-dire que les chauffeurs, c'est tolérance zéro. Pas une bière, pas un verre de vin avant d'avoir pris le volant, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est très bien. Mais alors, on se pose la question de savoir pourquoi elle n'intervient pas. Pourquoi elle ne donne pas de directive ou d'interdiction de la pratique du Ramadan, puisque c'est quand même quelque chose, une pratique qui peut donc soit provoquer des déshydratations ou de la nervosité, d'une intense fatigue, donc des possibles malaises. Une intense fatigue, c'est sûr. Évidemment, des malaises, et que quand même, on a la responsabilité de plusieurs centaines de personnes, qu'elles soient dans le bus ou dans la rue, dans les voitures, que ce soit des motocyclistes. Enfin, je veux dire, on évolue dans un environnement très dense. Donc, normalement, on devrait avoir des chauffeurs capable d'éviter les accidents en pleine forme, et pas du tout. Pendant un mois, tout le monde trouve normal, du moins personne ne trouve rien à redire au fait que donc des personnes soient dans des états parfois lamentables. Moi, j'ai déjà vu des collègues endormis au volant de leur bus au terminus. Regardez les chauffeurs pendant les périodes de Ramadan, regardez-les lorsqu'ils sont dans leur terminus. En général, ils sont affalés sur leur siège et ils dorment. Et alors, sans parler de l'image de la RATP qui en prend déjà un coup, je trouve, comment peut-on utiliser les transports quand on sait que son chauffeur n'est manifestement pas en état de le faire? Donc c'est incompréhensible. Elle attend sans doute le premier accident mortel, le premier accident gravissime, je n'en sais rien, je ne sais pas ce qu'elle attend, mais je trouve que c'est une catastrophe. Le problème, c'est que c'est une pratique qui ne tient pas entre guillemets à la radicalisation. C'est une pratique qui est pratiquée par tous les musulmans, qu'ils soient modérés ou pas, et que dans ce cas-là, si on décide de l'interdire, on se met à dos toute la communauté musulmane et pas seulement les barbus. Enfin, elle refuse de se confronter à une friction avec les une friction. Voilà. À mon avis, c'est pire que ça qui l'attend. Ce que j'ai dit. Et répéter, c'est la soumission. C'est ça, elle se soumet. La soumission des pouvoirs publics, qui est de plus en plus évidente, de plus en plus scandaleuse, de plus en plus inacceptable. C'est fou. En tout cas, tout ce que vous avez dit, et notamment cette grande fatigue, évidemment, n'est pas sans risque pour les passagers. Ça, c'est une évidence. Ce n'est pas sans risque. En réalité, la fatigue produit les mêmes effets que l'alcool. Les mêmes effets que l'alcool, la somnolence ou la nervosité. Vous savez, quand je vous dis qu'ils sont affamés, bon, ils nous regardent, nous, manger. Déjà, ils n'apprécient pas trop, parce que pour eux, c'est quand même un manque de respect. Parce que tu comprends, tu sais qu'on fait le Ramadan et tu manges devant nous, ou tu bois devant nous, quand même, t'exagères. Mais forcément, quand on a faim, on n'a pas la même manière de travailler. On n'a pas les mêmes relations ni avec les clients ni avec ses collègues. Il faudrait que tout le monde jeûne, parce que c'est insupportable. Voilà, à ce moment-là, c'est ça. Quand on a faim, de voir quelqu'un manger sous votre nez. C'est l'histoire du petit pain au chocolat de Copé. C'est ça. Voilà. Mais c'est vrai, quoi. C'est tout à fait ça. Alors, si vous mangez évidemment un sandwich au jambon ou un morceau de saucisson, alors là, c'est pire. Attention. C'est une provocation. Vous êtes voué aux gémonies. Alors, j'en reviens à ce coup d'éclat là, de cette vidéo choc de décembre 2012. Un choc si violent que vous avez été définitivement catalogué comme la raciste, la fasciste, la meneuse d'extrême droite, finalement la pestiférée. Sourde à vos témoignages, à vos explications, la haute direction va vous convoquer, ça m'a beaucoup marqué ce passage, à son siège de Bercy, pour vous faire la leçon. C'est ça, c'est-à-dire n'ose que... pas dire la morale. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait promis donc, à ses agents musulmans de faire la lumière sur toute cette affaire. Et donc, elle me convoque, mais elle convoque aussi les autres filles qui avaient été repérées donc, sur la vidéo. Et, donc, elle, et bon, les autres, je ne sais pas ce qu'elles se sont dit, parce que c'était vraiment des entretiens individuels. Donc, et donc, je suis reçue par cette femme. Alors, c'est... c'était le paraît-il, c'est ce qu'elle disait, un des bras droits de Pierre Mongin et un responsable de la communication. Enfin, elle cherchait à me rassurer. Je suis pas là pour vous faire des ennuis. Je veux juste comprendre ce qui s'est passé. Et puis la plus grande partie de l'entretien, ça a été grosso modo qui est Riposte Laïque, qui a pris contact avec Riposte Laïque, qui est Guy Sauvage, qui... Alors que le problème n'était pas là. Le problème, clairement, il était dans la situation qu'on vivait et pourquoi on en était arrivé là à se mettre, à s'exposer, parce qu'on s'exposait. Mais ce qui les intéressait, c'était surtout de savoir... Bon, si j'avais dit, j'ai pris contact avec Riposte Laïque et c'est moi, ou je ne sais pas, si je m'étais accusée, probablement que j'aurais eu des problèmes. Bon, j'ai tenu bon pendant tout cet entretien qui a duré, je crois, 3 heures. Et évidemment, elle n'a rien trouvé comme solution à notre problème, puisque de toute façon, ils n'ont pas tellement envie non plus. Enfin, ils peuvent pas, si vous voulez. Il y a un rapport de force qui est tellement énorme que nous, on n'est rien, on représente rien. Donc, grosso modo, on doit s'y faire, on doit accepter et on doit se soumettre. Donc, et voilà. Et c'est ce qu'ils attendent, hein, de toute façon. Hein. C'est pour ça qu'ils souhaitaient mon départ, parce que ils se disaient que si on peut faire partir ces femmes qui refusent de se soumettre, c'est bien mieux pour nous. Ça, voilà. Ça nous permet, ça nous préserve la paix sociale, etc. Donc, voilà. Mais bon, cet entretien était une mascarade. Ils n'ont rien trouvé, évidemment, contre moi. De toute façon, j'ai refusé de parler de Riposte Laïque. Ce n'était pas le problème. Ce n'était vraiment pas le problème. Tout ça, on le sent dans votre récit, parce que vous vous exprimez très, très bien. On partage vos... Vraiment, on partage vos sentiments. C'est quelque chose qui est souvent, je l'ai dit au début de ce libre journal, c'est quelque chose qui est douloureux. Hein. On sent votre souffrance, votre déception, votre désillusion de dire « Mais enfin, bon Dieu, nous sommes quand même chez nous, quoi. Nous sommes en France. » C'est ça qu'on n'a plus le droit de dire ça, « Nous sommes chez nous. » Ça, c'est terrifiant, quand même. C'est ça, le drame, parce qu'on a commencé là-dessus. On n'a pas le droit de s'exprimer, on n'a pas le droit de manifester. C'est tout à fait ça. Je veux dire, on pourrait venir à bout de ces personnes-là si au moins on nous donnait la possibilité de nous exprimer et si on avait les soutiens attendus, les soutiens, par exemple, des syndicats ou des féministes, ou je ne sais pas, qui sont là pour ça. Sont là pour ça. Mais comme... Tout le monde s'interdit de parler de cela, eh bien, on ne peut pas lutter. Et du coup, eux, ça leur laisse le champ libre. Ils peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui est dramatique. Alors, on va avancer parce que malheureusement, je vois les aiguilles tourner à une vitesse incroyable. Hein. Ça n'est pas étonnant parce que votre récit, votre témoignage est vraiment passionnant. Hein. Passionnant. Et donc, où en étais-je ? Oui. Alors, entre-temps, oui, finalement, on vous dit, fermez-la, quoi. En bon français, ça veut dire ça. Hein. Ça veut dire ça. Entre-temps, plusieurs de vos amis de la vidéo ont pris peur. Oui. Ça peut se comprendre, hein, peur de perdre son travail. Vous ont lâché, sont revenus sur leur dire, etc. Enfin, épuisés, vous êtes choqués, vous êtes un peu dégoûtés, vous tombez malade en 2013, votre calvaire n'est pas terminé. Vous reprenez le travail le matin, mais on va vous tendre un piège. L'absence un certain jour, ça m'a marqué, c'est d'hypocrisie, d'une saloperie. L'absence un certain jour de votre relève, vous avez une relève, vous faites accuser d'abandon de poste et vous écopez abusivement d'une mise à pied de plusieurs jours, plusieurs services. Trop c'est trop, la coupe est pleine, vous ne supportez plus les injustices, vous ne supportez pas davantage l'environnement où vous vivez et travaillez. Parce que la ville, qu'on ne citera pas, mais enfin elle n'est pas loin de Paris, la ville où vous avez grandi, dont vous parcourez les rues au volant de votre bus articulé de 18 mètres, a pas trop changé. Ouais. Ça c'est, enfin, tout le monde fait ce constat, c'est très difficile à vivre, c'est très dur à vivre. Vous ne la reconnaissez plus. Les derniers commerces français ont disparu. Les Français aussi. Ce n'est plus la France. Et ayant déménagé d'une banlieue à une autre, on ne citera pas non plus les villes, vous êtes tombé de Caribe dans Scylla. Faites-nous, dit Slaine, une petite description de ces quartiers. Parce qu'on sait que les boucheries, les charcuteries sont devenues halal. Mais il n'y a pas que ça. Moi, j'ai été stupéfié en apprenant qu'il y avait des salons de beauté, des maisons de pompes funèbres, les barbiers, etc. Les barbiers sont réapparus, ils avaient disparu et ils réapparaissent. Alors, c'est le barbier alors halal. Hein, enfin, ce sont des Arabes qui tiennent les barbiers. Mais il n'y a pas. Donc, ils sont là pour tailler la barbe, si l'on veut, de nos islamistes. Mais il y a aussi les pompes funèbres musulmanes. Il y a les ambulances musulmanes. Il y a des banques musulmanes. J'ai vu des banques. Vous écoutez bien, mes auditeurs de Radio Courtoisie. Vous écoutez bien. Des supermarchés, des grandes surfaces halal. Cette colonisation de la France, il n'y a pas d'autre mot. Des surfaces aussi de surgelées halal. Alors là, on se demande, enfin, je ne sais pas, je sais pas trop ce qu'ils peuvent vendre là-dedans. Mais c'est halal, c'est estampillé halal. Alors, les boulangeries, les baguettes sont vendues par des femmes voilées. Enfin, c'est ah bon. et puis évidemment, dans les rues se baladent des belfégores, des femmes voilées, mais pas. Belfégor. Voilà, ouais. Je cherchais tout à l'heure quand je vous ai raconté fantôme. L'apparition de mon fantôme à la porte de l'ascenseur. C'était belfégor qui surgissait. Des petites filles voilées. J'ai vu une fois une femme avec donc deux petites filles voilées et un bébé dans sa poussette qui était voilée aussi. C'est que ça. Et puis les barbus, évidemment, qui se multiplient, les habillés en camis, en babouche. On a l'impression de alors là vraiment, on a l'impression d'être au Maghreb, hein, tout simplement. Hein. Et de ne pas être dans son ancien quartier dans lequel on a grandi et où les gens étaient habillés comme nous aujourd'hui, quoi, c'est-à-dire normal. Parce que quelle que soit la classe sociale à laquelle on appartenait, il n'y avait finalement pas tellement de différence. Il n'y avait pas de différence. Peut-être dans la qualité des toilettes, mais pas dans leur apparence, je veux dire. Plus on nous parle de vivre ensemble, plus on veut nous imposer le vivre ensemble, plus on accepte que les autres se séparent ostensiblement par la nourriture, exactement, par les vêtements, par la façon de vivre. C'est-à-dire qu'on est dans un système où on ne peut plus vivre ensemble parce qu'ils ne veulent pas vivre ensemble, exactement, avec nous. Et ils veulent nous imposer leur comportement. Et c'est nous qui sommes condamnés parce que, soi-disant, nous serions effectivement des intolérants. Voilà. Parce qu'on refuse d'adopter leur mœurs, leurs traditions, donc leur nourriture, leur façon de se vêtir, etc. Nous sommes d'affreux fachos. Non, mais c'est inimaginable. Il y a des mosquées. Je sais pas, moi, rien que sur Nanterre, il doit y en avoir quatre. Sans compter celles qui sont mises en place uniquement au moment de l'Aïd ou des choses comme ça. Où, alors là, on prend les gymnases, on prend la salle des fêtes et on en fait une mosquée pour la fête en question. Mais voilà, c'est ça la banlieue aujourd'hui. Vous ne faites pas un pas, mais c'est comme à la RATP. Vous ne faites pas un pas sans être confronté à l'islam. Et on ne parle que l'arabe ou du dialecte africain. Voilà. Et voilà, et c'est évidemment salam alaikum. Vous savez, le salam alaikum, quand parfois ils montent dans le bus, ils vous le disent à vous. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent même pas compte du chauffeur qu'ils ont en face d'eux, tiens, qui vous disent, à vous aussi, salam alaikum, quoi. Même si vous n'êtes pas musulman, rien. Et je les regarde, et mais non. Je trouve qu'on impose complètement à autrui, aux non-musulmans, le mode de vie musulman. Et c'est ça le gros problème. Et malheureusement, il n'y a pas que la banlieue. Quand on voit un des candidats de la fausse droite à l'élection présidentielle de 2017, M. Juppé, pour ne pas le nommer, qui se flatte d'avoir construit à Bordeaux une des plus grandes mosquées de France, et qui avoue n'avoir jamais lu une seule ligne du Coran, c'est quand même gravissime, mes auditeurs de Radio Courtoisie. Il faut savoir par qui nous sommes gouvernés et par qui on voudrait nous faire gouverner. Et Juppé fait une pré-campagne présidentielle par l'Algérie et il dit lui-même que c'est quelque chose d'essentiel pour la présidentielle. Oui. Non, mais voilà. Moi, je suis entièrement de l'avis de notre ami René Marchand, venu expliquer maintes fois à notre micro ce qu'est exactement l'islam. Eh bien, beaucoup de nos dirigeants sont vendus. Il n'y a pas d'autre explication. Parce qu'ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants. Pour beaucoup, il est impossible d'imaginer qu'ils leur préparent une France musulmane, une république islamique. Alors, Gismaine Duménil, pour protéger votre famille, vos enfants, vous avez 5 enfants, je crois. Oui. Bravo. Et en plus, on ne le dirait pas. Vous êtes très, très juvénile. Vous quitterez finalement la région parisienne pour vous installer dans un petit village, je ne dirais pas où. Enfin, en gros, à 80 km de la capitale. Mais hélas, écrivez-vous, la banlieue et ses fléaux ne vont pas tarder à vous rattraper. Et vous dites, et ça c'est terrible, et ça beaucoup de Français se posent la même question, va-t-il encore falloir fuir ? Fuir où ? Jusqu'où ? Voilà, ça c'est terrible. Et puis alors, évidemment, à ce moment-là, l'éloignement de votre lieu de travail vous impose une vie épuisante, infernale durant plusieurs mois, levé à 4 heures, couché à plus d'heures. Alors vous décidez, fin 2015, de quitter cette régie à laquelle vous êtes fortement attaché, bien qu'elle vous ait tant persécuté. Cela vous laissera libre de publier ce livre témoignage, aussi courageux que percutant et dérangeant, dont je rappelle le titre. Mahomet au volant. La charia au tournant. Aux éditions Riposte Laïque. Merci Michel pour la somme de 18 euros. Un livre qu'il faut absolument lire et faire lire à mes auditeurs de Radio Courtoisie. Je compte sur vous parce que c'est du réel, c'est du concret. Ce sont des faits. C'est un acte militant. Voilà, face à ce qui nous guette, il faut informer autour de soi. C'est quelque chose de... Une urgence absolue. Il faut se réveiller. En est-il encore temps ? Mais y compris, parce que bon, on parlait de la banlieue, mais justement pour les gens qui habitent à la campagne et qui voient ces gens arriver, mais finalement ils ne voient pas trop où est le danger parce qu'ils les voient arriver, toujours pareil, avec le sourire. Oh tiens, j'ai une voisine, elle est voilée, mais elle est tellement mignonne, elle est tellement gentille. C'est bien les braves gens. Voilà. C'est exactement ce que j'ai vécu en banlieue. Je les ai vus arriver. Aussi avec le sourire, on s'entendait bien, ça se passait bien, et j'ai vu la manière dont ça a évolué. Il a fallu fuir. J'ai envie que ces gens sachent que lorsqu'ils accueillent dans leur campagne ce type de personnes, il faut qu'ils s'attendent à ce qu'il y en ait de plus en plus, parce que c'est le déroulement logique. La petite ville, la plus grande ville qui est à côté de mon petit village, mais qui n'est pas très grand, c'est pas une très grande ville, compte déjà une mosquée. Bientôt, là, il y en a une très grande en construction, pas très loin. Depuis peu de temps, depuis on va dire 5-6 ans, parce que je suis partie il y a quand même quelques années, ça fait bien 10 ans que j'y suis, je vois de plus en plus de femmes voilées. Je vois exactement ce que j'ai vu en banlieue se produire à la campagne. Et ça, les gens ne s'affolent pas parce qu'ils ne voient pas le danger, mais moi, je le vois parce que je l'ai tellement vu. Bien sûr. Je l'ai tellement vu se développer que, il faut vraiment que les gens comprennent vous que dites ce, très qu'ils, bien, la banlieue ce qu'ils voient aujourd'hui dans leur campagne, eh bien, ça va devenir la banlieue. Et au fond de la France profonde, on voit aujourd'hui des femmes voilées. Hein. Alors, il y a aussi un fait que beaucoup de gens ignorent, c'est cette fameuse notion de taqiyya, hein, et qui permet et qui même recommande aux musulmans de mentir aux non-musulmans, de ruser avec les non-musulmans. Donc, ils peuvent vous raconter n'importe quoi. Hein, à vous qui êtes non-musulmans, ça n'a aucune valeur. Ils peuvent mentir comme des arracheurs de dents. Ça n'est pas un péché pour eux. Voilà. Michel. Oui, alors... Encore des messages. Oui, encore des messages. Une auditrice qui donne un conseil. Je pense que c'est pour se prémunir. Chaque Calaisien devrait avoir un porc. Voilà, et puis nous avons... Avec un C au bout. Voilà, un porc, merci, voilà. Alors, nous avons un auditeur de Radio Courtoisie qui nous dit « Émission passionnante, merci », mais il nous adresse par télécopie un article « Le bon français » concernant la façon dont nous prononçons votre prénom. Voilà. Et c'est un article de Maître Capello Vichy qui nous dit « Ghislaine se prononce Guylaine ». Voilà. Alors donc c'est... On me l'a déjà dit. Voilà. Mais bon. Voilà. Et nous vous avons posé la question au début de l'émission. Entre les deux prononciations. Voilà, pour vous demander la prononciation. Enfin, voilà. Mais je préfère Ghislaine. Ben je suis désolée. Alors restons à Ghislaine. Alors une auditrice, il y aurait 52 mosquées en Bretagne. Eh oui. Une auditrice, si Madame Duménil pouvait envoyer un exemplaire de son livre à Giscard d'Estaing, ce serait très bien. Pour le remercier. Une auditrice, il n'y a pas d'islam modéré, c'est Erdogan qui l'a dit, il y a un islam, c'est tout. Oui, bon, on l'a dit et répété bien des fois, c'est ce qu'a dit aussi Jeannette Bougram, fille de Harki. Un auditeur concernant l'arrestation du général Piquemal et les hypothèses que fait Madame Tazin, je trouve une certaine ressemblance entre l'affaire Piquemal et celle de Monsieur Robert Chardon, maire de Venelle, interné immédiatement après avoir dit qu'il fallait interdire l'islam en France. Qu'administre-t-on à ses patients dans les hôpitaux pour avoir un tel retournement de veste et qu'en pensez-vous ? Une auditrice, concernant les plaintes, il y a deux modes d'action pour porter plainte, soit au commissariat, soit par lettre relatant les faits directement adressés au procureur de la République ou au tribunal de grande instance du lieu. Peut-être qu'ainsi, noyé de courriers et la pression des services de justice qui s'ensuivrait, une action politique interviendrait. Une auditrice, si la France était restée catholique, on n'en serait pas là. Un auditeur, chez mon ancien employeur, des musulmans voulaient enlever le sapin de Noël. Le patron a dit non et les musulmans ne se sont plus manifestés. Oui, il faut aussi de la fermeté, bien entendu. Ce qu'a expliqué à notre précédente émission notre cher marquis, hein, c'était extraordinaire. Une auditrice, qu'a fait Monsieur Mongin contre tous ces phénomènes ? Il n'y a pas qu'à la RATP que les femmes sont malmenées par les islamistes. Elles le sont aussi dans certaines préfectures où les islamistes font leur messe 5 fois par jour. Un auditeur, pourquoi les Français sont-ils aussi lâches ? Et une télécopie, un auditeur demande, est-ce que Ghislaine pourrait nous dire si elle a eu connaissance de l'existence de l'association pour APMCJ, Association pour une meilleure citoyenneté jeune, au sein de la RATP. Si oui, avait-elle connaissance de la vocation de cette association auprès des jeunes de banlieue ? Non, je connais je pas. Je donne le message. Mais je veux bien le garder, je vérifierai, je regarderai ce que ça voulait. Mais... Concernant, j'ai entendu une question, que font les hommes ? Malheureusement, pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. Hein. On représente à peu près 6% dans ce dépôt, 10% dans l'ensemble du travail de machiniste. Les femmes, nous les femmes. Et je n'ai pas vu un homme manifester une désapprobation, un mécontentement ou je ne sais quoi. J'ai pas vu. J'ai quelques hommes qui m'ont soutenu quand même, faut le dire. Même dans cette vidéo, il y avait aussi deux ou trois hommes. Mais je veux dire, bon, dans la généralité, les hommes ne réagissent pas. Hein. Ils se laissent. C'est triste. Ils laissent faire, malheureusement. C'est triste. Alors, vous avez commencé à écrire votre livre fin 2015, Ghislaine Duménil ou Guylaine Duménil, restons à Ghislaine. Et puis, peu après, eh bien, ce seront les sanglants attentats du 18 novembre et la révélation qu'un des assassins du Bataclan, Sami Amimour, était un ancien machiniste de la RATP, un de vos ex-collègues musulmans. En avez-vous été très surprise, Ghislaine, vu le communautarisme islamique croissant que vous décrivez ? Non, je n'ai pas été surprise. Vous n'avez pas été surprise. Sami Amimour, il a le profil de nombreux machinistes d'aujourd'hui. Et c'est très inquiétant parce que... On l'a décrit au début comme un musulman modéré, qui avait une aversion pour les femmes, mais bon, aujourd'hui c'est admis, hein, puisque à la RATP c'est très courant. Donc c'était plutôt, enfin c'est quelqu'un qui avait toute sa place à la RATP. Il a été embauché, il a passé tous les tests psychomoteurs, psychotechniques et psychologiques. Donc, hein, et il était le bienvenu. Il aurait démissionné, paraît-il, juste avant de partir en Syrie. Mais c'était quelqu'un qui a vraiment le profil des machinistes d'aujourd'hui. Donc, c'est très inquiétant. Donc, j'ai pas été surprise. Par contre, j'ai vraiment été secouée. Oui. Parce que, en plus de ça, il a quand même tué un autre de mes collègues qui était formateur. Et que probablement ils se sont croisés à un moment donné ou à un autre, l'un en tant que formateur et l'autre en tant que stagiaire. C'est une catastrophe. Peut-être qu'au moment des assassinats, leurs regards se sont croisés et mon collègue Emmanuel Bonnet a dû. C'est tragique. C'est tragique. On est arrivé là, c'est tragique. Alors, on dit que la RATP est aujourd'hui l'entreprise publique employant le plus de fichiers S. Pensez-vous, Ghislaine Duménil, qu'elle puisse couver en son sein de nouveaux amimours, ces agents infiltrés capables, du jour au lendemain, de passer du port de la barbe coranique à la plus effroyable barbarie? Parce que ça nous sidère, nous qui nous considérons comme des humains quand même à peu près normaux. C'est fou, quoi. Alors, oui. D'aller tuer tout au hasard, fait. De mitrailler des gens comme ça. Je pense que d'autres Sami Amimour sont à la RATP. Je pense que s'ils arrivent à organiser... un attentat, ils feront un carnage. Et voilà, c'est aussi dramatique. Enfin, ce sera la pire des choses, bien évidemment, mais comme le ramadan, comme la souffrance qu'ils font subir aux femmes, c'est une catastrophe dans son ensemble. Franchement, tout ce qu'a fait la RATP ces 10-15 dernières années est une catastrophe pour ses agents, mais aussi pour ses clients, pour elle-même, parce que je pense que ça lui sera fatal. Mais je pense sincèrement qu'il va y avoir, bien sûr, d'autres Sami Amimour. C'est une évidence. D'ailleurs, les pouvoirs publics, hein, nos dirigeants qui ne font pas grand-chose réellement contre les menaces terroristes, admettent très bien qu'il faut s'attendre à de nouveaux attentats sanglants sur le territoire de la France. Une dernière question, puisque je vois que nous arrivons au terme de cette passionnante, il faut le dire passionnante, grâce à vous, grâce à Christine Tazin, de cette passionnante émission. Une dernière question, Ghislaine. Où avez-vous puisé le courage en travaillant si dur, en élevant 5 enfants, le courage peu commun d'écrire ce livre, de porter ce témoignage aussi accablant que politiquement incorrect, mais ce témoignage indispensable, dont nous vous remercions vraiment de tout cœur. J'ai été éduquée dans la lutte syndicale et ça m'a beaucoup aidée rien que dans l'écriture déjà, parce que j'avais un papa qui faisait beaucoup de tracts et ça m'a beaucoup aidée dans l'écriture et puis dans la lutte en général. Moi, mon père partait souvent dans des batailles et dans des grèves, se lancer dans des grèves, etc. Et ça m'a marqué toute ma vie. Moi, j'ai grandi dans la banlieue rouge, la banlieue communiste, et donc je suis une lutteuse. On voit ça, vous combattante. Êtes une battante et une combattante. Mais en même temps, mes parents m'ont éduquée dans l'esprit critique. Eux-mêmes, mon père a toujours manifesté sa désapprobation quant à l'immigration, y compris au Parti communiste. Et ça m'est resté aussi. Pour le reste, franchement, riposte laïque et résistance républicaine ont été pour moi d'un grand soutien. Ce que j'ai fait à la RATP, la force, je l'ai eue grâce à eux et à leur soutien parce que d'abord ils m'ont montré l'exemple. Je crois que Christine. Par ses déclarations, par ce qu'elle fait tous les jours, m'a montré l'exemple, Pierre Cassan et puis tous les autres. Je pense que et après, une force, parce que, comme tout le monde, j'ai vécu des drames, j'ai su les surmonter, ça m'a aidé toujours à avancer. Je suis quelqu'un qui avance, je suis pas quelqu'un qui recule et je regarde rarement derrière moi. Je suis plutôt quelqu'un qui regarde droit devant et qui avance, quoi. Vous conduisez bien. Vous regardez plutôt devant. Oui, je regarde devant, plus que derrière. Il faut regarder aussi derrière, un petit peu. Bon. Oui, ouais. on peut toujours, mais même on peut se renforcer aussi de ses erreurs. Bien j'ai sûr. Fait des erreurs, mais à partir du moment où j'ai vu les erreurs que j'ai faites, j'ai tiré un trait, j'ai dit non, je ne referai plus ce type d'erreur. Au contraire, je vais tout faire pour que d'autres ne fassent pas la même erreur, c'est important. Est-ce que je peux ajouter que pour Ghislaine, il me semble qu'elle a cette faculté, cette qualité essentielle, c'est qu'elle sait dire non, quel que soit le prix à payer, et que c'est ce qui nous manque terriblement actuellement autour de nous. On rencontre énormément de gens qui nous disent « vous avez raison, c'est bien ce que vous faites, vous êtes courageux », mais qui n'ont même pas le courage de dire non, même dans leur famille, même à leurs voisins, et pour leur faire entendre la vérité. C'est comme s'ils avaient honte de penser ce qu'ils pensent. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas du Exactement. Tout. Et on peut se dire que ces gens qui n'osent pas dire non sont responsables quand leur petite fille va être voilée, va être violée. Voilà. Merci Christine Tazin et merci à Ghislaine d'avoir rendu hommage à Christine Tazin et à Pierre Cassin qui mènent un combat extrêmement courageux et indispensable pour la survie de la France. Quelques messages encore et puis j'aurai une dernière question, même si je ne peux pas la poser avant la coupure technique, je la poserai. Au début de la seconde partie de l'émission, ça prendra 3 minutes. Alors, un auditeur de Radio Courtoisie, comme M. Marin, marque d'une pierre blanche ce jour à Radio Courtoisie pour que s'ouvre un chemin interminable, pour que défilent sans arrêt sur cette radio les légions de victimes et de parents de victimes de toute nature de cette 5e République antifrançaise qui, depuis 1958, nous amène au désastre, pour le bénéfice et la priorité des racailles du monde entier, que cette 5e République n'a pas arrêté de rentrer sur notre territoire. Un auditeur, émission passionnante. La RATP est une religion d'amour, de tolérance et de paix. On voit que c'est parfaitement suivi. Un auditeur, est-il facile à un Français de souche de trouver un poste à la RATP? Est-il aussi facile, je pense, de trouver un poste qu'à un islamiste? Merci pour votre réponse. Un auditeur, pour qui faut-il voter? Une solution pour régler le problème, s'installer en Corse. Une auditrice, Alain Juppé, a décoré d'une palme quelconque l'imam de la mosquée de Bordeaux. Un auditeur, lors des prochaines élections, que tous gardent à l'esprit que c'est Juppé qui a inventé le terme de sans-papiers. Vous dites que nos élus sont vendus, mais je n'arrive pas à comprendre où est leur intérêt. Une auditrice, Fillon... Le fric ? Fillon aurait dit que c'est la France qui doit s'adapter à l'islam. Une auditrice, nous sommes chez nous, mais en minorité. Un auditeur de Radio Courtoisie, les Français ont plus peur, ont plus peur du fascisme que de l'islam, donc ils auront l'islam. Du quoi ? Du fascisme ? Oui. Mais c'est quel l'islam, fascisme ? Le fascisme. Oui, le nouveau fascisme, c'est exactement c'est l'islam. C'est le nazisme. On l'a dit, c'est le nouveau totalitarisme, c'est un dissident soviétique d'ailleurs qui l'a dit. Un auditeur, envisagez-vous d'offrir votre livre à Caroline Fourest ? Certainement pas. Elle peut l'acheter si elle veut. Alors, c'est une question que je pose à la fois à Christine Tazin et à Ghislaine Duménil. Comment expliquez-vous que si peu de vos collègues femmes se dressent contre le machisme des barbus, que si peu de Français en général se battent contre l'islamisation qui nous tue, que si peu de patriotes se dressent contre le communautarisme et le multiculturalisme, effectivement, qui assassinent la France, et qu'après tous les crimes commis au nom d'Allah, les chansonnettes du « pas d'amalgame » et du « c'est pas l'islam » abusent encore tant de gens. Ça, tu commences pour tes collègues ? Oh bah, mes collègues, vous savez, ils sont à 50%, progressivement, ils se sont imposés. Vous savez, c'est comme la grenouille, quoi, hein, qui est dans son eau froide et puis l'eau qui boue gentiment, tranquillement. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de bouillir, quoi, et qu'ils vont être mangés tout cru. Mais c'est tout à fait ça. Ils sont endormis et puis ils ont une grande peur. C'est la peur d'être, même lorsque c'est légitime, la grande peur, c'est celle d'être insulté, maltraité, enfin traité de tous les noms. Et pire peut-être, voilà, c'est dramatique. Mais ça, bon, peut-être que Christine pourrait aller plus en avant dans l'explication. Il nous reste 5 minutes. 5 minutes. D'abord, je voudrais dire par rapport à un auditeur qui parle de la 5e République, il y a eu quand même des bons moments dans la 5e République, il ne faut pas cracher dessus, et rappeler à cet auditeur que ce que nous vivons en France, nous le vivons partout en Europe, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Canada même. Hein, ça commence, même aux États-Unis, il y a des attentats, il se passe aussi, on attente au second amendement, hein, au droit de porter des armes parce qu'on a peur effectivement que les Américains commencent à réagir. Donc ça n'est pas lié à la République, fût-elle le 5e ou 3e, ça ne change rien. On est dans un système qui, selon Battiord, remonte à 1973, le premier choc pétrolier, où les pays européens auraient signé des accords avec les pays exportateurs de pétrole pour que, en échange d'un pétrole bon marché et donc d'une économie florissante, on islamise les pays et qu'on accepte un maximum d'immigration. Donc, il faut dire que les pays de l'Est, quand même, comme la Hongrie de Viktor Orban, comme la Pologne, comme la Russie... Ils ont un passé à l'Est de résistants, de révolte. Voilà. Hein, c'est Pegida qui, tous les lundis, reprend une vieille tradition de l'Est. Et forcément, ils ont tout fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire, au niveau de l'école, manipulation. Vous avez la moitié des livres qui parlent du racisme, de la colonisation, de l'esclavage pour culpabiliser les nôtres, pour leur enlever leur connaissance, pour les aider à croire que le seul but de l'école, c'est d'accepter le différent et de cracher sur soi. Et vous avez une manipulation médiatique qui est ahurissante, qui est digne de la Pravda. Absolument. La propagande Staffel, c'est pire. Voilà. Moi qui ai connu la propagande Staffel sous l'occupation, hein, je l'ai souvent dit. Goebbels était un petit garçon à côté de ceux qui œuvrent aujourd'hui à bourrer le crâne des gens. Ça a commencé avec le premier septennat de François Mitterrand, les créations de SOS Racisme, etc., où on a fait monter artificiellement Le Pen pour faire monter la peur et faire gagner la gauche. Donc, tout est politique, fric, pouvoir. Voilà. Eh bien, il ne nous reste plus que 2 minutes. de messages. Oui, un auditeur nous dit au sujet donc des hypoglycémies dues au ramadan. Plusieurs enfants sont morts lors d'un accident causé par un chauffeur qui faisait le ramadan. Et ça s'est passé à Nangis, en Seine-et-Marne. Oui, j'ai fait un article. J'avais fait un article sur lui. Une auditrice encourage les auditeurs à soutenir et à adhérer à l'association Vigilance Halal, dirigée par un vétérinaire. Oui, que nous avons reçu, le nom m'échappe. Monsieur de Peretti, voilà, Alain de Peretti. Monsieur Peretti, que nous avons reçu à ce micro. Bon, eh bien, mes auditeurs de Radio Courtoisie, il me reste à remercier très, très chaleureusement Ghislaine Duménil pour ce témoignage que, je le répète, vous devez absolument lire et faire lire, c'est capital. Et je remercie évidemment Christine Tazin pour le combat extraordinaire qu'elle mène. Et je voudrais que nos auditeurs sachent qu'un cardinal, africain, a dit il n'y a pas si longtemps que si la France ne se réveille pas, elle serait une république islamique avant 2050. Voilà, voilà, à méditer. Merci beaucoup Gérard pour cette belle émission partagée. Moi aussi je vous remercie beaucoup. Merci. Et courage. Merci.